Ceci n'est pas une légende, Hippopus. Characters no longer jump across shots. They are swallowed up in them, are. What is the trigger in me, the trigger in me that vanishing point that vanishes, solves, se putréfie, vaporise, effiloche en l'éther du ciel, au loin le bleu crème urquoise, la vision vue se en terrasse, se. Rentre, zoom et récit, fit la place au lume, s'étire, s'énêtre, au fond, et tire, ursifle en angle, se. Cette lumière entre les buildings, les ombres, c'est. Comme on écrit, comme on voit. Comme on voit, comme on perd. Comme on voit, comme on tombe. Comme en suspension de la poudre, en a bird's eye view, comment. En diapo, la dia se condense, lip. On voit, on a pellicule, s'éplisse, les fixes, statiques, en nouveau, mouvement, la refondeur de champ, le noir, bleu, ce. Atéral, avance, en crible, x, le mouvement, et charts, intré, link, adre, en coupe, droite, enormé. Les angles artoup, des en façade, en coin, en ouin, disparate, passé au crible, aplani au 2D du champ, le étire en un étire la pellicule à temps, à plat. Warn est bleu, warn est blanc, intérieur soi, c'est. La coupe andrement, la phrase en repli, en retrait, qu'elle encadre de la distance dedans. Qu'aplati, cadre, met le 3D en un 2, le 2 en un 3, c'est. Longitude, boyau, cylindre, hic, de verre, is dandine, dedans, en dehors, en coupé, lui-même en sautoir, c'est. Au moment de faire la phrase, où tout est à refaire, la page coupe le verre et tout est à refaire. Au moment déclenché, turateur, duplet, durec, à refaire, out, le point cadre, air, expiré, le poumon, la tension, j'arrête, à refaire, oujbe, tout le temps, grouille. À plus savoir à la peinture, en fait, celle, le revêque, le signe, de la texture, du timbre, grain, que le cadre. Un art nouveau, intrinsèque, un plus qu'entre éléments, ce. Any long flight hole, transatlantic light, at an in, fondu, confond, used, alloté, perdu, le noir, le can interfere with the, well, if the aircraft's orientation, communication systems depends on a, c'est refondeur du champ, surplan urligné, l'avant, remis le plat de la surface, il s'étale, il se pose, reuse et étale à la fois, allégeance et les lignes à l'élise, synchronise le, la refondeur de champ d'une ligne, un paras et un parmontage. Ou pégigogne s'emboîtant, pas. Car c'est par échelle aux portions que se combinent, compose un effet d'optique, des cadres inéaires, synchronise le sens. En dent isible en tant que comme effet. Ou alors on, je, décris, je, qui m'apprend ce, c'est la refondeur de champ, et quand l'espace opposé qui m'apprend me. Avec les surfaces, l'âne aux anges, bondissent, suspendent, c'est. Beau, c'est tout plat, tout est lat, vertique, horizon, oblique, pli à la ligne, gona à cylindre. Légèrement gonflé qu'on s'apprête, qui se font rette à. Derrière le bleu. Elles reduisent un langage, langue out seul, rompte par p. Out contemporain, annotant étant trop, étant. En lequel le sens effigie s'étouffe. C'est fait pour se développe, à ça s'ouvre en un sens, en un ourp, s'épanouit en un phrase, en un. Pour pas induire en un vers un t. Saraba ne peut satisse à sans fin, rend la phrase sans cadre en sang. Chou à écrire sur pièce, c'est apprendre à écrire sur hurlement. Ça désosse, a des buts, ça découlpe, palpe. La phrase à une phrase n'a pas de cadre, centre, tuteur, n'a d'auteur, largeur, longueur, n'a pas de maître. La prose est le nom enjambé, le para ou la phrase est leur chant, leur cadre, ar essence, ar nature, ur. C'est ça qu'ici beau non seulement différent et qui tisse, y sent, y court, y ligne, y reconscrit en ouvrant et portant sur ce mouvement. Wide-bodied airlines are, des cadres en cadre me reportent, c'est ouvert à tout vent, c'est. Savoir me être à la phrase en la pression du cadre à leur chant, de l'image à langage, leur chant à, dans le cadre, en, dispose à matière, à l'étal, à l'embraille, à l'aérostatique, sustente le airworthiness, ornate of an. A slice, l'isle, me compose, urcompose un raquet, puis rac, c'est par souveraineté jusqu'à l'épure et pure à l'alectique du retrait. On ne peut pas du léger et léger comme on pose, compose, refompe là ce souverain, c'est la lège. La léger, c'est du prix re, d'en revenir, et mince refil, forme de la thèse, la saint. C'est la photographie se déplie, s'ouvre, reuse en la plate dans mes doigts, c'est.